Ici la voix de l'eau de la vie. Le Christ a dit, « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Apocalypse 21, 6. Je te salue cordialement à ce programme en te souhaitant la bénédiction de Dieu. Jean 1, 15 à 16. 15. Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, « Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Le Baptiste annonça d'une voix forte que Christ était venu après lui. Existait avant lui, en dehors des généalogies temporelles. Par cette proclamation, le Baptiste confirma l'éternité de Christ. Il rendit témoignage de la vérité que Christ est au-dessus de l'espace, du temps et de la perdition, un Dieu infini et incorruptible. Au désert, le Baptiste souffrit de voir la gravité du péché des hommes. Il leur enseigna la repentance pour la remission des péchés. Mais en voyant Jésus, son cœur se réjouit. Car Christ était né en tant qu'homme éternel plein de vérité, et la mort n'avait aucun pouvoir sur lui. La joie de l'incarnation et de Noël prend sa source dans l'apparition de la vie éternelle de Dieu dans un corps humain. Ainsi commença la victoire de la vie sur la mort, parce qu'en lui le péché qui mène à la mort était éliminé. Réalisant la profondeur de cette grâce, le Baptiste loua et magnifia la plénitude de Dieu présente en Christ. Paul avait confessé, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de sa divinité. Vous avez tout pleinement en lui. » Jean résume cette vérité dans sa déclaration. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Quelle est cette plénitude de Christ et qu'avons-nous reçu de lui? Si vous vous souvenez de l'explication de Jean sur la personne de Christ, dans les versets précédents, vous connaîtrez la grandeur de sa personnalité et saisirez combien l'océan de sa grâce nous atteint quotidiennement. Christ est la parole de Dieu émanant du Père. Comme les paroles sortent de la bouche de l'homme, il est le cœur le plus profond de Dieu et sa volonté, son essence et son plaisir. Comme la parole de l'Évangile nous atteint, pénètre notre esprit et change notre volonté. Christ vient dans nos cœurs et nous transforme selon son excellence. N'est-ce pas une grâce magnifique? Christ est la vie de Dieu. Les scientifiques peuvent construire des maisons, des ponts et des bombes, mais aucun ne peut créer la vie. Les parents ont la responsabilité de transmettre à leur progéniture la vie que Dieu leur accorde. N'est-ce pas la grâce? Et puisque la vie terrestre passe, Christ envoie son propre esprit, qui est la vie éternelle aux croyants. Tous les chrétiens partagent la vie de Dieu et ne mourront jamais. N'est-ce pas la grâce? Christ est la lumière du monde. Il est le vainqueur sur les ténèbres et le Créateur de la lumière dans la nuit noire. Il offre l'espérance à un monde obscur, envoie sa puissance à un monde gémissant dans ses souffrances. La lumière de Christ est capable de chasser l'obscurité du monde. En politique et sur le lieu de travail, en famille et à l'Église, ceux qui croient en lui reçoivent la force de rester juste et fidèle. N'est-ce pas une grâce après l'autre? Jésus est le Créateur de l'univers. En lui demeure la plénitude de la puissance de Dieu. Ces miracles étaient des signes indiquant son autorité. Sa résurrection des morts a prouvé la puissance de sa vie sur la mort. Physiquement, il a vaincu la force de gravité et marché sur l'eau. Avec 5 pains et 2 poissons, il a nourri et rassasié 5 000 hommes. Il connaît même le nombre de vos cheveux sur la tête. Allez-vous vous incliner devant sa grâce qui prend soin de vous? Voulez-vous en savoir plus sur la plénitude de Christ? Le monde lui appartient, les biens et les richesses. Chaque minute de votre vie lui appartiennent. Vous lui appartenez aussi. Il vous a créé et c'est lui qui vous garde. Christ possède tout. Il vous a confié ses attributs afin que vous les gériez pour lui. Vos muscles, vos pensées et vos parents sont les dons que votre Seigneur vous a faits. Allez-vous le remercier pour sa grâce? La chose étonnante sur l'incarnation et Noël est que la plénitude de Dieu s'est faite chair dans un enfant. Ce miracle précis a été annoncé par Ésaïe 700 ans avant son accomplissement par l'inspiration du Saint-Esprit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ésaïe 9, 6. Malheureusement, l'esprit des hommes est lent à comprendre que Dieu en Christ a restauré en l'homme l'image pure que l'homme avait au commencement de la création. Jésus est glorieux, sage, il est le conseiller bien inspiré, le puissant Dieu éternel. Tous les attributs et dons de Dieu étaient présents dans le bébé de la crèche. Avez-vous réalisé la grâce merveilleuse que Dieu nous a faite en venant à nous en Jésus? Nous pouvons dire, Dieu est avec nous. Christ ne veut pas garder ses vertus pour lui-même, ou sinon, il serait resté au ciel. Il est venu dans notre monde, s'est fait chair et a pris notre ressemblance humble pour nous ouvrir le chemin des cieux, pour nous réconcilier avec son Père et nous remplir de sa plénitude. De même, Paul témoigne que le but de Dieu est la présence de sa plénitude dans l'Église. Lisez Éphésiens 1, 23 à 4, 10 et Colossiens 2, 10. Vous serez alors conduits à louer Dieu et à magnifier la grâce de notre Seigneur. Ne restez pas misérables dans vos péchés, mais ouvrez vos cœurs à la plénitude de Christ. Approchez-vous du bébé de la crèche, et de nombreuses bénédictions vous couleront dessus. Il fera de vous une source de grâce pour ceux qui vous entourent. Prière. Seigneur Jésus, tu es le Fils de Dieu. Amour, puissance et vérité sont présentes en toi. Nous nous prosternons devant toi et nous nous réjouissons, car tu n'es pas resté loin de nous, mais tu as vécu parmi nous. Tu nous aimes, tu t'es fait homme et nous as rachetés. Nous te remercions de nous avoir accordé grâce pour grâce. Question 13. Qu'entend-on par plénitude de Christ? Jean 1, 17 à 18. 17. Car la loi a été donné par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. La différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament peut se résumer à la différence entre la justice par la loi et la justice par la grâce. Dieu donne à Moïse les 10 commandements, les lois concernant les sacrifices et la loi pour gérer les affaires de la vie courante. Celui qui gardait ses préceptes méritait la vie, mais celui qui transgressait l'un d'eux méritait la mort. De cette manière, la loi était un jugement menant à la mort, parce qu'aucun humain n'est parfait. Les personnes les plus pieuses éprouvaient sans cesse des remords face à la tâche, quasi impossible, de respecter toutes les règles de la loi. Les gens superficiels se considéraient bons, estimant que leur vie plaisait à Dieu. Ils tombèrent cependant dans l'égoïsme et le légalisme fanatique. Ils oublièrent l'amour et se vantèrent de la justice de leurs œuvres égoïstes. Certainement, la loi en tant que telle est sainte parce qu'elle reflète la sainteté de Dieu. Mais face à elle, tout homme paraît mauvais. Ainsi la loi nous mène à la misère et à la mort. Dans cette atmosphère qui sent la mort, l'évangéliste mentionne pour la première fois Jésus-Christ et le présente comme le libérateur de la misère et de la colère de Dieu. L'homme, Jésus de Nazareth, est le Messie promis, loin de la plénitude du Saint-Esprit. Il est le roi des rois, la parole de Dieu et le sacrificateur. Il est le résumé de toutes les possibilités d'espoir et de salut. Christ n'est pas venu vers nous avec un nouveau système légal. Il nous a plutôt rachetés de la malédiction de la loi. Par amour pour nous, il accomplit toutes les exigences légales à notre place. Il a porté sur ses épaules nos péchés et le jugement du monde, nous réconciliant ainsi avec Dieu. Dieu n'est plus notre ennemi à cause de nos péchés, car nous avons obtenu la paix avec lui par Jésus-Christ, notre Seigneur. L'homme, Jésus, est monté vers son Père céleste et nous a envoyé son Esprit Saint. Il a gravé la loi dans nos cœurs, remplissant nos sentiments les plus profonds de pensées pures, vraies, honorables. Nous ne vivons plus sous la loi, mais il vit en nous. C'est ainsi que Dieu nous donne la force d'accomplir les exigences de son amour. Si tu as des questions ou bien si tu veux réagir à cette émission, je t'invite à nous écrire à l'adresse suivante. L'eau de la vie, Waters of Life, boîte postale 600513 à 70305, Stuttgart, Allemagne. Si tu as accès à un ordinateur, tu peux écrire à notre adresse e-mail info@waters-of-life.net. Si tu nous écris, nous sommes prêts à t'envoyer un petit livre cadeau. N'oublie pas d'ajouter ton nom et ton adresse complète, lisiblement écrit. C'était la voix de l'eau de la vie. Le Christ a dit, « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Apocalypse 21, 6.